contextualiser notre thème et nous avons pensé célébrer cette journée sous le thème « L'enseignant du français, contributeur au développement ». Et alors concrètement, comment l'enseignant du cours de français peut développer le pays ? L'enseignant de français est contributeur du développement en son sens que, d'abord, les connaissances qu'il dispense sont de nature à aider l'apprenant à s'épanouir, pas seulement l'apprenant, mais le lauréat des écoles et le lauréat des universités qui sont censés maîtriser cette langue pour pouvoir se développer. Par exemple, au Burundi, tous les emplois sont communiqués en français, tous les services sont en français, les lettres, tout se fait en français. Je parle d'une expérience que j'ai vécue en 2019 quand il y avait la rareté des devises, j'ai pu écrire des projets en rapport avec l'étude liée à l'enseignement du français. Et de ces deux études, nous avons fait entrer 30 000 euros dans la caisse de la Banque de la République du Burundi. Celui qui ne le sait pas peut ne pas croire qu'un enseignant de français peut contribuer au développement du pays. Mais avec 30 000 euros, au moment où il y avait la rareté, je pense que c'était une contribution qui n'était pas moindre. Et lors des échanges au cours de la célébration de cette journée, on a soulevé des défis qui sont liés à l'enseignement du cours de français, de la régression de cette langue à l'endroit des apprenants, même des enseignants. Et en tant que président de l'Association burundaise des professeurs du cours de français, qu'est-ce que vous comptez faire pour lever ces défis ? Dans les jours à venir, nous comptons réaliser un projet qui s'intitule « Mieux savoir pour mieux éduquer ». Ce projet sera destiné aux enseignants de français et aux élèves. Nous comptons cibler les écoles qui se classent parmi les dernières, pouvoir déceler les écoles pilotes, envie de les aider, notamment dans la mise à niveau des enseignants et des apprenants. Et finalement, après un certain moment, nous comptons faire une étude pour comparer le point de départ, donc avant qu'ils ne soient formés, et le point d'arrivée après la formation, nous allons voir s'il y a un léger mieux par rapport à la situation de départ, si les enseignants sont formés. Pierre Ndouingoma, c'est le président de l'Association burundaise des enseignants de français, ABF. Je vous l'avais dit dans les titres, la sécurité des personnels et leurs biens a été renforcée ce week-end de rallye automobile. Langosi, propos du commissaire provincial de la police, Bonfort Ndoreraho, demande à cette occasion aux commerçants et à installer leurs marchandises le long des différentes rues de déménager vers le nouveau marché de Rouillé pour plus de propreté. Ce responsable policier met en garde les détenteurs des débits de boissons contre toute spéculation sur les produits Braroudi en ce week-end où ces boissons ont été rendues disponibles comparativement à ces derniers jours. Apollinaire Mounzagara. Comme l'indique l'autorité administrative et policière d'Ongozi, toutes les mesures nécessaires à la sécurité ont été prises en vue du bon déroulement de ce rallye. Selon le commissaire provincial de la police de Bonfort Ndoreraho, des réunions de renforcement de la sécurité ont été tenues. Les tenants des bistrots saluent la revue à la hausse de la quantité des produits Braroudi ces jours de week-end, mais le commissaire provincial met en garde ces derniers sur toute spéculation des prix de ces produits. Différentes rues d'Ongozi ont été assaines. Le commissaire Bonfort Ndoreraho demande à cet effet aux commerçants et à installer les produits le long des différentes routes d'Ongozi, le déménagement vers le nouveau marché de Rouillé en vue de la propriété et la visibilité de cette ville. Suite à cet événement, tous les hôtels d'Ongozi sont quasi pleins. Le prix par chambre et par nuitée a augmenté de 10 à 20 000 francs. Même les hôtels VIP ayant des chambres de 700 000 francs sont pleins. La police et l'administration provinciale demande la collaboration de tout un chacun avec la police pour assurer la sécurité. Ce rallye d'Ongozi prépare le championnat africain prévu début 2023 au Burundi, selon Adon Negamiye, président de l'organisation de cette course automobile. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. En actualité, sur régional et international, le nom du tout premier évêque du diocèse d'Ouvira, Danilo Catarzi, de nationalité italienne, a été donné à une avenue de la ville d'Ouvira mercredi 23 novembre en reconnaissance de ses œuvres de développement de 1962 à 1980. Cela a été annoncé par le maire de la ville d'Ouvira lors d'une messe pour l'enterrement de son corps qui venait d'être rapatrié de l'Italie. Plusieurs témoignages ont été donnés par des habitants de la ville et des étrangers après cette messe dite à la paroisse de Cavinvira par l'évêque actuel du diocèse d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo. Une information que nous devons à notre correspondant à Ouvira, Jérémy Kouhima. Toujours en RDC,